Chapitre 8e, la namite, caractère, costume, bijoux, la femme anamite. L'anamite de Cochinchine est, comme chacun sait, sujet français depuis de longues années. La conquête de ce grand pays n'a pas eu lieu sans coup férir. La campagne a été sanglante et difficile. C'était une époque où il n'était pas de mode de grossir, de déformer parfois les événements coloniaux et de retarder souvent, par des hésitations budgétaires, les conquêtes définitives. Aussi notre sang a-t-il été fécond. La France a fait beaucoup et a fait grand en Cochinchine. Les champs de bataille où s'illustrèrent tant de noms devenus populaires sont transformés en rizières verdoyantes. Nos efforts ont été productifs. Chaque année, ce vaillant pays vient diminuer de plusieurs millions les charges de la métropole. Ces heureux résultats montrent à merveille ce que peut une nation colonisatrice, quoi qu'on dise, lorsqu'elle ne trouve pas en elle-même des entraves à sa marche. Des routes sillonnent d'immenses provinces et transportent jusqu'aux arroyaux innombrables les richesses des régions hautes. Ces arroyaux, ou canaux naturels, unissent en tous sens les grands bras de rivières. Le delta du Mékong, ainsi découpé, forme une mosaïque d'îles fertiles et éternellement vertes. Cet admirable système d'irrigation fait de l'anamite naître à peu près amphibie. Des familles entières vivent dans le sampan, sorte de bateau plat, recouvert dans le milieu, à la manière des gondoles de Venise. La proue et la poupe, relevées en cornes, donnent une grâce spéciale à ces petites maisons flottantes que les rameurs, debout à l'avant et à l'arrière, manœuvrent fort habilement. Les villages anamites sont groupés tout au bord des arroyaux. Rien n'est pittoresque comme ces nombreuses cases en paillote, la chaume d'Extrême-Orient, ombragée de palmes. Là vit et travaille une population souvent accusée de paresse parce qu'elle est silencieuse. L'anamite est léger, distrait mais intelligent. Il est très craintif. Aussi la douceur réussit-elle mieux avec lui que la brutalité. La fameuse cadouille, fine baguette en rotin, a longtemps cinglé les reins de ces pauvres diables sans produire de brillants résultats. La patience est préférable car ces gens ne comprennent rien à nos emportements. Nous gagnons dans leur esprit à être calmes et silencieux comme eux-mêmes. Force et douceur, les deux manières sont faciles à expérimenter avec les boys qui nous servent. Ceux qui rudoient et maltraitent leurs domestiques sont fort mal servis. Il faut donner les ordres clairement et doucement. Si le boy n'obéit pas, c'est la plupart du temps qu'il n'a pas compris. L'anamite n'est pas beau, mais on se fait vite à son genre de laideur. L'œil est intelligent. La physionomie est douce, souvent gracieuse. La femme, surtout, n'est pas dépourvue de charme. Le corps est souple, les hanches sont bien prises. Les petits pieds nus, fort soignés, peuvent être admirés par les plus idolâtres des formes. La tache du poignet est extrêmement délicate, frêle même, ce qui laisse aux jolies mains cette flexibilité prodigieuse qui atteint son maximum chez la javanaise. Le costume indigène est des moins compliqués. Hommes et femmes portent une longue tunique descendant la cheville. Elle est ouverte sur chaque hanche à la manière de nos chemises d'homme. Les manches se terminent très étroites au poignet. C'est le kayawe. De la ceinture au talon, l'anamite porte le kaikan. Culotte large et flottante, retenue à la taille par une écharpe de soie de couleur vive. La tunique et le pantalon sont en étoffe plus ou moins précieuse selon l'échelle sociale. Généralement, ces vêtements sont en soie noire, violette ou blanche. L'anamite riche chausse le soulier sandal, le dayamet. L'immense majorité trotte nu-pied. Les hommes comme les femmes enroulent en chignon derrière la tête leur opulente chevelure d'ébène. La femme la fixe avec des épingles d'or moins longues que les fameuses épingles des japonaises. Le turban est en Cochinchine le privilège du sexe fort. L'homme use peu des bijoux et porte à peine quelques bagues. En revanche, les femmes en sont surchargées. C'est par qui le dort qu'on estime la parure d'une conguée. Des bracelets serrés les uns contre les autres garnissent les bras jusqu'aux épaules. De lourds colliers emprisonnent leurs petits cous dans un carcan d'or. Dans les familles très riches, les femmes portent des diamants, soit montés en bague ou en rivière, soit incrustés dans une large plaque descendue sur la poitrine. Ces diamants sont généralement mal taillés et d'un éclat fort médiocre. Toute cette population est gaie, contente de son sort et toujours prête à sourire. On a déjà dit que l'anamite est le français de l'Extrême-Orient. Ce rapprochement est sans doute flatteur pour nos sujets d'Indochine, mais il est incontestable qu'on retrouve chez l'annamite un peu de cet esprit, de ce ton plaisant, de ce bienveillant enjouement qui fait du français l'homme le plus aimable du monde.